ça et je m'en tape. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la chronique Je m'en tape, une émission dédiée à la découverte du développement personnel pour créer une vie qui vous ressemble en développant vos savoir-être. Je suis Émilie Adam, coach en développement personnel et professionnel, et je suis heureuse de vous présenter cette chronique dont le principe est de rendre accessible une notion de développement personnel et de donner des éléments concrets pour avancer. Alors c'est parti, aujourd'hui je vais vous parler de la technique EFT. Vous avez déjà dû entendre « les choses sont comme elles sont, il faut apprendre à vivre avec » ou encore « on ne se remet jamais d'un événement pareil ». Eh bien désormais, on sait que c'est possible de modifier sa perception du passé et de changer, notamment grâce à la technique EFT. Déchiffrons déjà l'acronyme EFT qui signifie « Emotional Freedom Technique » ou en français « technique de libération émotionnelle ». C'est en quelque sorte une version émotionnelle de l'acupuncture mais sans aiguille. Le principe de la technique, c'est de tapoter ou masser soi-même 15 points sur le corps et les mains qui correspondent à des points d'entrée et de sortie des méridiens. Le but est d'apaiser des événements passés et des croyances associées à ces événements. L'EFT nous vient des États-Unis comme le chewing-gum et le coca, et à l'origine, c'est Roger Callahan, docteur en psychologie, qui accompagne Mary, qui a un problème d'aquaphobie. Elle a tellement peur de l'eau qu'elle évite les parcs où il y a des fontaines et les fontaines où il y a des parcs, les autoroutes près de l'océan et les douches. Tiens, mon ado doit être aquaphobe aussi, hein. Elle est accompagnée depuis 2 ans par ce thérapeute qui utilise la thérapie par l'exposition. Autrement dit, il a une piscine dans son jardin et il propose à Mary de s'en approcher séance après séance. Sauf qu'en presque 2 ans, elle a gagné à peine 2 mètres. Un jour en séance, Mary explique qu'elle ressent une douleur au niveau de l'estomac quand elle voit l'eau de la piscine. Et comme Roger Callahan est vraiment à court d'idées, il lui propose de masser un point sous l'œil qui correspond au point de l'estomac en acupuncture. Parce qu'à ce moment-là, il est en formation en médecine traditionnelle chinoise et il se dit « pourquoi pas expérimenter quelque chose de nouveau au point où j'en suis ?» Au bout de 2 minutes, elle lui dit « oh, ça y est, j'ai plus rien, c'est fini !» Il lui demande « vous avez plus mal au ventre ?» Elle répond « non, non, ça y est, j'ai plus peur de l'eau !» Elle se lève et elle court vers la piscine. Roger sert donc 2 mojitos et ils se mettent en maillot de bain pour piquer une tête. Non, je blague. Roger, c'est quelqu'un d'assez pragmatique, il reste bouche bée et surtout, il comprend rien à ce qui vient de se passer. Et il est encore plus surpris quand elle l'appelle le lendemain pour lui expliquer qu'elle est entrée dans l'océan jusqu'à mi-cuisse alors qu'il y avait un orage, des éclairs et tout ça, c'était magnifique. À partir de ce moment-là, il commence à s'interroger sur les liens entre les symptômes et les points d'acupuncture. Il crée une cartographie et un protocole spécifique pour chaque problème et il fait des tests sur ses patients. Il gagne en notoriété et puis en efficacité et il commence à former des gens à sa technique. Gary Craig, ingénieur en informatique et passionné de développement personnel, décide de se faire former d'abord par curiosité et puis surtout parce qu'à l'époque, soigner les phobies en 5 minutes, c'est quand même vraiment surprenant. Gary trouve cette technique incroyable, hyper efficace, mais elle demande d'être accompagnée par un thérapeute parce qu'elle est complexe. Il réfléchit à simplifier le protocole et il crée la technique EFT. C'est donc une technique qui est simple à apprendre et qui peut s'utiliser en autotraitement sur une grande partie des problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Par exemple, la technique EFT est utile sur les problèmes de confiance en soi, les phobies, la mauvaise gestion du stress ou des émotions, les traumatismes passés, les réactions émotionnelles démesurées par rapport à certaines situations, les syndromes de stress post-traumatique, la douleur chronique, etc. Alors, vous allez me dire, en fait, c'est une technique un peu magique, genre je tapote 5 minutes sur le corps et les mains, et ça y est, je suis guéri? Ben en fait, non. Il faut en plus réciter à haute voix « Emotional Liberaciones !» tout en tapotant, nu dans la forêt, un soir de pleine lune. Non, en fait, l'EFT, c'est finalement très scientifique. De nombreuses études américaines et françaises attestent de son efficacité, et puis aujourd'hui, différentes facultés l'enseignent aux futurs psychologues. Et pour l'expérimenter depuis 7 ans, sur moi-même et puis sur mes clients, j'ai quand même vu 99% de réussite. Alors je vais vous expliquer ce qui se passe dans votre cerveau. Au fur et à mesure des expériences que nous vivons, nous emmagasinons des souvenirs dans notre bibliothèque de mémoire qui s'appelle l'hippocampe. Rien à voir avec ce petit animal aquatique, enfin quoique, ça dépend des cerveaux. Ces souvenirs vont colorer notre manière de voir le monde, de manière positive ou négative, c'est ce qu'on appelle les croyances. Donc concrètement, si je me fais mordre par un chien, je vais intégrer la croyance que les chiens sont dangereux. ou si j'ai une institutrice blonde avec des grosses lunettes qui me crie dessus, je peux intégrer la croyance que les femmes blondes avec de grosses lunettes noires sont antipathiques. On peut évidemment ne pas enregistrer de croyance du tout, ou enregistrer une croyance différente en fonction de notre tempérament, des expériences qu'on a vécues, de notre culture. C'est pour ça que deux personnes qui vivent la même expérience ne vont pas enregistrer les mêmes croyances et ne vont pas avoir la même vision du souvenir de ce même événement. Ces croyances peuvent agir sur notre manière de nous comporter. Par exemple, si je crois que conduire c'est dangereux suite à un accident, eh bien je ne vais plus conduire du tout, ou alors je vais être angoissé à chaque fois que je prends ma voiture. Ou alors, si je crois que les araignées sont d'horribles monstres assoiffés de sang, mesurant 50 cm de diamètre, parce que petite, j'ai vu ma mère hurler devant l'une d'entre elles, alors je vais me sentir en danger de mort à chaque fois que je vois une faucheuse. Et en même temps, si elle porte ce nom-là, ça doit pas être pour rien, non ? Et le lien avec l'EFT, me direz-vous ? Eh bien, dans notre cerveau, nous avons un système nerveux autonome qui nous permet de gérer notre stress. Il y a deux branches, la branche sympathique qui va nous permettre d'activer tous les symptômes du stress, le cœur qui s'accélère, le foie qui sécrète du sucre pour nous donner de l'énergie, le sang qui fuit vers les extrémités, une partie du cerveau de la réflexion qui se désactive, la digestion qui s'arrête et plein d'autres trucs. Et la branche parasympathique qui va permettre d'activer tous les symptômes de la détente. Lorsque l'une des branches est activée, l'autre est forcément désactivée puisque vous ne pouvez pas être détendu et stressé à la fois. Vous pouvez d'ailleurs réécouter ma précédente chronique sur le stress pour mieux comprendre ce mécanisme. Quand on stimule ces 15 points d'EFT, on va activer dans notre système nerveux autonome la branche parasympathique, donc la branche qui est associée aux symptômes de la détente. Il faut également comprendre que notre cerveau émotionnel, le cerveau limbique, ne fait absolument pas la différence entre le réel ou l'imaginaire, ou entre le passé ou le présent, ce qui signifie que si j'anticipe une prise de parole en public, eh bien je vais stresser autant que si j'étais en train de prendre la parole en public, ou que si j'imagine la dernière fois que j'ai pris la parole en public. Donc concrètement, notre système nerveux autonome active la branche sympathique et provoque tous les symptômes du stress pour quelque chose de réel, d'imaginaire, de passé ou de présent. Du coup, plus besoin de partir en vacances. Ne me dites pas merci pour ce bon plan. Il suffit d'imaginer que vous êtes en train de bronzer sur une plage avec un magnifique soleil tout en écoutant le bruit des vagues pour y être. N'oubliez pas la crème solaire pour éviter les coups de soleil. En EFT, nous utilisons ce mécanisme à notre avantage. Autrement dit, si je veux travailler sur ma peur des chiens, je peux repenser à cette fois où je me suis fait mordre, donc je vais activer ma branche du stress. Tout en repensant à ce souvenir, je vais tapoter sur les différents points d'EFT, ce qui va désactiver la branche du stress pour activer la branche de la détente. Puis, je me remémore à nouveau ce souvenir tout en continuant à tapoter. Et à force de désactiver ou d'activer la branche sympathique et parasympathique, je vais créer une sorte de bug dans le système qui va finir par lâcher petit à petit la charge émotionnelle liée au souvenir. Autrement dit, je garde le souvenir, mais il devient petit à petit neutre émotionnellement. Je vais donc me souvenir de la fois où je me suis fait mordre par un chien, mais je ne ressentirai plus de peur ou d'autres émotions. Comme il n'y a plus d'émotions, mon système n'a plus besoin de garder les croyances associées, je vais donc supprimer les croyances et les comportements liés à ce souvenir. Autrement dit, je ne me dirai plus que les chiens sont d'affreux molosses dangereux, et je ne changerai plus de trottoir lorsque j'en aperçois un. Mais peut-être que lui, si. Le but de cette chronique était de vous faire prendre conscience que vous pouvez dépasser vos croyances et vos blocages. Aujourd'hui, les neurosciences montrent que vous n'avez pas à subir la fatalité et qu'il existe des techniques pour apaiser ces traumatismes. La technique EFT peut se pratiquer seule sur 80% de vos problèmes et pour le reste, faites-vous accompagner par un professionnel certifié. On se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Je m'en tape. Je m'en tape. Je m'en tape, c'est comme ça et je m'en tape.